Mais tu es là, Angèle? Attends? Ça fait 5 minutes. Alors, nous recommençons la deuxième partie. Les seigneurs de la vie sont-ils nous-mêmes dans notre intelligence mentale? Bon, les seigneurs de la vie, on peut les... Disons que le mot même, les seigneurs de la vie, sur la Terre, il y a plusieurs sortes d'entités qui s'occupent de gérer la vie. Alors, il y a les seigneurs, on emploie des termes comme ça parce qu'à cette époque, à l'époque où on a mis le terme seigneur, l'homme se croyait toujours inférieur à tout ce qui existait. Et puis, disons que les seigneurs de la vie, il y a certaines entités dans la nature qui s'occupent de la vie même des arbres, de la vie même des plantes et de l'organisation de l'écosystème des animaux et des plantes. Et puis l'homme, nous-mêmes, notre propre seigneur de la vie, disons que c'est notre psychologie astrale et pas notre mental. Parce que présentement, c'est notre psychologie astrale qui domine et qui dirige tout ce qui se passe ici. Chose qui est sûre, c'est que les seigneurs même, on a les seigneurs du karma qui font partie des seigneurs de la vie, eux autres empêchent l'homme qui n'est pas prêt vibratoirement d'aller fouiller dans un plan, justement, qui est au-delà de sa vibration. Alors, le seigneur de la vie, disons que ce serait le ramassis de tous ceux qui font en sorte que l'homme ne tombe pas dans des précipices, c'est-à-dire que l'homme ne s'entretue pas lors de guerre, c'est-à-dire que l'homme ne s'extermine pas. Et ces seigneurs-là, ils sont à l'intérieur de l'homme, mais ils sont aussi à l'extérieur de l'homme. On peut dire que les seigneurs de la vie, ça peut être aussi nos anges gardiens. Ça peut être notre ajusteur de pensée. Ça peut être les lutins, ça peut être les gnomes, ça peut être toutes les farfadets, les entités de la nature qui s'occupent de faire en sorte que l'énergie vitale soit distribuée adéquatement là où l'homme en a besoin. Maintenant, quand l'homme se mêle de ça, bien, l'homme peut faire un désert avec un endroit. L'homme peut mettre le feu à une forêt puis en faire justement une espèce de gros ramassis de cendres noires. L'homme peut polluer l'air. Et les seigneurs de la vie de la planète Terre ont de la misère, ont de la difficulté à faire en sorte justement de garder l'écosystème correct. Alors, si on regarde par exemple dans ce qui concerne Belzébuth, qui est le seigneur roi de toutes les entités naturelles, les fées, les lutins, les farfadets, tout ce qu'on peut connaître comme entités naturelles qui vivent dans les bois, ben Belzébuth, il déteste la race humaine parce que la race humaine détruit tout le travail qu'eux autres font. Alors, si on se fait juste se rappeler une légende qui existait en Irlande, entre autres, puis dans plusieurs pays d'Europe un peu avant que l'Amérique soit colonisée, on avait dans un petit village du monde qui travaillait là, il y avait un meunier, il y avait un bûcheron, il y avait des peintres, il y avait des ménagères. Et puis, vers l'heure du midi, eux autres faisaient une sieste, ils dormaient. Et une heure après, quand ils se réveillaient, ben, le meunier voyait tout son blé, tout moulu, puis dans la farine dans les sacs. Le peintre, ben, son mur était peint. Le bricoleur, ben, son mur était tout fini. Tout le travail du village était fini. Le linge était lavé, puis plié, puis tout ça. Alors, ça a duré un certain nombre de temps, jusqu'à temps que l'homme avait peur de ce qui se passait là. Et là, les hommes ont décidé, à un moment donné, ils ont fait un caucus, puis ils ont dit, on va faire semblant de dormir, puis après ça, si on entend quelque chose, on va ouvrir les yeux, puis on va bien voir. Alors, ils ont fait semblant de dormir, ils ont laissé leur travail là. Ça faisait déjà un petit bout de temps que la majorité du monde ne travaillait plus. Ils commençaient le travail, puis ils étaient ceux-là, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ça sera fait. Hein? Alors, on commençait déjà à exploiter. Mais là, ils voulaient voir, parce qu'il y en a plusieurs qui avaient peur. Et puis, ils ont fait semblant de dormir, et tout d'un coup, ils ont entendu du bruit. Alors, ils ont ouvert les yeux, puis ils ont vu le paquet de petits lutins qui se promenaient, puis qui étaient en train de finir le travail commencé par les hommes. Alors, ils ont eu assez peur qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait pour taper dessus, puis ils ont fait fuir, puis ce temps-là, l'homme ne voit plus les lutins. Les farfadets, les lutins, les gnomes et tout ça se cachent, et ils ont la possibilité d'être visibles à l'homme ou d'être invisibles à l'homme. Et puis, le seigneur même, qui est une espèce d'immense bélier à tête d'homme, avec des bras d'homme, qui s'appelle Belzébuth, qu'on a déjà vu, et qui est représenté souvent comme la forme, disons, animale du diable sur la Terre. On l'a dans des sculptures un peu en Égypte, on l'a en Grèce, on l'a presque partout sur la Terre. Ben, ça, c'est un seigneur de la vie-vie, donc du corps vital de la planète Terre et de ce qui nous fait vivre, nous autres. Les seigneurs de la vie, c'est pas notre intelligence. Notre intelligence devrait être capable de travailler en collaboration avec le seigneur de la vie. Présentement, notre intelligence se croit le seigneur de la vie. Alors, l'homme décide de l'écosystème bon à la planète. L'homme décide de la nourriture bon aux animaux. L'homme décide toutes ces choses-là. Et puis l'homme, ben, lentement, il dégrade continuellement ces affaires-là. Et puis, ben, on n'est pas tellement aimé. Alors, ce qui fait que moi, j'ai déjà vu des lutins au Guatemala, mais la majorité des êtres humains, là, ne peuvent pas voir parce que ceux-là se cachent. En Écosse, à Finorm, entre autres, bien évidemment, les individus qui travaillent là envoient régulièrement. Et puis, c'est l'endroit sur la Terre où tu vas voir des roses pousser en plein hiver, dehors, dans la neige, où tu vas voir différentes choses comme ça parce qu'eux autres travaillent intimement reliés avec, justement, le plan de la Terre. Je pense qu'il y a quelques livres qui existent sur le marché avec qui parlent justement de ces entités-là et de Finorm, entre autres en Écosse. Alors, les seigneurs de la vie, bien, de la vie, c'est le corps vital de la planète Terre, bien, c'est pas nous. Mais on devrait être capable de collaborer. Qu'est-ce qui arrive, Daniel, quand les lutins sortent du bois et puis ils viennent à Montréal? Ils ne viennent pas à Montréal. Tu en as quelques-uns sur le Mont-Royal. Mont-Royal puis Montréal, c'est différent. Et puis, tu en as à peu près pas. Tu as les entités propres des arbres. Qui vont s'occuper d'un arbre, mais tu n'as à peu près rien à Montréal parce que, premièrement, tu as trop de pollution, tu as trop de bruit, la vibration des moteurs. Tu sais, quand un camion passe à côté de chez toi, ta vitre patio à vivre chez vous, dans ton salon, où tu entends des vitres vibrer, ces vibrations-là qui sont très néfastes pour l'homme, ben, de toute façon, on les font fuir. Il n'y a à peu près aucun. Mais dans un endroit comme ici, par exemple? Dans un endroit comme ici, il y en a souvent, mais c'est surtout des entités astrales qui viennent visiter puis qui viennent assister à des conférences ou qui viennent simplement se reposer parce que l'appel vibratoire du salon, en l'occurrence, parce qu'il est fait en chaîne massif, ça garde les vibrations puis ça amène des choses comme ça. Mais là. Pardon, c'est des entités qui sont astrales, c'est-à-dire que c'est en sommeil ou en voyage, mais c'est pas une entité physique qui va être ici. L'âme peut-elle mourir? L'âme peut mourir et l'âme doit mourir. Tu as répondu? Oui. Daniel, vous dites que l'homme n'est pas coupable d'aucune de ses actions, donc nous n'aurions pas le libre arbitre. Merci. Bon, on a déjà fait une conférence, justement, la destinée et le libre arbitre. L'homme qui va voir une cartomancien, l'homme qui va voir une personne dans les boules de cristal, l'homme qui fait face à carte du ciel est un homme qui dit qu'il n'a pas de libre arbitre parce que l'homme veut savoir ce que l'avenir lui réserve. Et l'homme qui veut savoir ce que l'avenir lui réserve, admettant qu'il n'y a pas de libre arbitre, s'évertue quand même à croire qu'il peut changer l'avenir que la carte du ciel lui destine. Alors, ce qui fait que l'homme est en contradictoire continuellement, l'homme vivant dans ces deux polarités-là, à savoir, je veux savoir ce qui va m'arriver, mais je peux le changer si ça me plaît pas. Ben, Christy, qu'est-ce que tu veux savoir d'abord? Tu veux le savoir ce qui va t'arriver ou ben non? Si ça fit avec toi, tu dis, ah, c'est parfait. Si ça fit pas, tu dis, je ne crée pas à ça. Mais combien de millions d'argent que de dollars sont dépensés continuellement pour essayer de prévoir l'avenir et combien d'énergie qui sont dépensées après pour pouvoir changer l'avenir? Alors, ce qui fait que l'homme, effectivement, est responsable de ce qu'il fait de mal comme de ce qu'il fait de bien. La seule chose qu'il y a, c'est que l'homme est manipulé. Et l'homme est manipulé par lui-même. Le fait que toi, tu ne comprennes pas que le feu brûle, ben, tu te mets la main dans le feu. Mais le feu, tu n'as pas forcé à le mettre la main là. Il n'y a pas aucune entité qui t'a pris la main pour la mettre là. Mais si ça fait 15 fois que tu vas tester le feu, ben, c'est simplement parce que toi, tu n'as pas la préparation, tu n'es pas prêt à être capable de comprendre. Et qu'est-ce qui nous manipule, nous? C'est notre psychologie, c'est notre mémoire. L'homme veut continuellement revivre quelque chose qui lui a plu, qui lui-même a déjà vécu, et l'homme veut fuir un événement qu'il a vécu, qu'il n'a pas aimé. Et cette fuite et cette recherche de bonheur et cette fuite de la douleur qui est intégrale à nous, bien, ça nous manipule. Parce que toutes les fois que je vois quelque chose qui pourrait me servir, si j'en ai peur, je me sauve. Mais qui a peur? Moi. Qui exprime la peur? Moi. Mais moi, je n'ai pas le choix, je me sauve. Mais en comprenant ça, on finit par, disons, se purifier, puis on élimine le manipulateur. Exactement comme si vous êtes une espèce de troupeau de cheval, et puis à l'intérieur de ce troupeau-là, il y a un cheval qui ne veut rien savoir. Lui, quand il voit une vache, il se sauve. Et comme le troupeau lui-même vivant sous l'égide astrale de troupe, ben si le cheval se sauve, toute la gang se sauve avec. Mais à un moment donné, il va falloir que les chevaux se disent « Oui, mais toi, une fois qu'ils se sauvent, on pense qu'il y a de quoi. » Puis toi, une fois qu'on s'est sauvé, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Mais on se sauve tout le temps, parce que quand le cheval qui a peur des vaches se sauve, bien, on ne prend pas le temps de voir si c'est pas un tigre, nous autres, on se sauve. Puis on se fait tout le temps fourrer, c'est jamais un tigre, c'est toujours une vache. Alors, à un moment donné, le troupeau va dire « Bon, ben lui, on l'élimine. » Ou ben non, lui, on le transforme. Alors, automatiquement, ben là, le troupeau, lentement, finit par, disons, évoluer et n'a plus peur de tout. Alors, l'astral, c'est la même chose. Moi, je suis manipulé. Le troupeau est manipulé par qui? Par le troupeau. Par le cheval qu'ils ont accepté et par le fait qu'eux autres le suivent aveuglément tout le temps quand il se passe de quoi. À l'instant même que le cheval se sauve, tout le monde se sauve sans voir. Mais qui manipule qui? Le troupeau se manipule. Qui c'est qui nous manipule dans la société? La société? Mais c'est qui la société? Ben, c'est nous autres. Mais dans l'homme, c'est pareil. C'est qui nous manipule? C'est nous autres. Puis nous autres, c'est qui? Mais c'est ça, c'est qui nous autres? On est plusieurs, nous autres. Il y a des chevaux fous là-dedans. Il y a des chevaux qui sont corrects. Ben, c'est à nous autres de voir c'est quoi. Alors, on a un libre arbitre. Mais tellement incompréhensible par l'homme et tellement vaste et à l'extérieur de ce qu'on vit présentement. Le fait que tu aies un accident avec ton char, bien, faites-vous pas croire que vous l'avez voulu. Ça ne va pas être à l'église allumer des cierges pour avoir un accident avec votre char. Hein? Alors, vous n'avez pas de libre arbitre. Le fait que vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, bien, vous l'avez rencontré, c'est par hasard, disons. Vous êtes manipulé. Puis quand la personne décide qu'elle s'en va, que vous le vouliez ou non, elle décide ce qu'elle décide. Alors, ce qui fait que, justement, le libre arbitre, il n'existe pas. Pas dans le cadre présent de l'évolution humaine. Par contre, à l'intérieur de chaque homme existent des chevaux fous, à l'intérieur de chaque femme existent des juments folles, puis à l'intérieur de chaque enfant existent des poulains fous. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il faut simplement réussir à les trouver et puis les placer, les dresser ou les éliminer. Puis, automatiquement, l'homme n'est plus manipulé. Mais l'homme est manipulé par l'homme. Et puis, l'astral, donc, les chevaux extérieurs à la troupe, l'astral planétaire qui manipule l'homme, le manipule parce que dans l'homme, il y a les éléments, les chevaux fous, justement, qui peuvent accepter la manipulation extérieure. Alors, on ne change pas l'humanité pour se faire plaisir. On se change nous, puis l'humanité ne nous touche plus. Il y a quelque temps, j'ai eu une espèce de court-circuit au niveau du front. Ça faisait à peu près 15 minutes que je m'étais endormi. Pourrais-tu, si possible, m'en donner la signification? Bien, évidemment, il faut savoir ce qu'on entend par court-circuit au niveau du front. C'est ça. Alors, le court-circuit, c'est que dans les phénomènes présents, il y a le développement de la glande pinéale au niveau du front, donc du troisième œil. Et puis, l'énergie supramentale qui descend, parce que de toute façon, chaque individu est présentement en contact avec cette énergie-là, avec des doses différentes pour chaque individu. Et cette glande-là, bien, à un moment donné, il y a une espèce d'enveloppe qui doit se briser, comme un œuf. Et puis, la brisure de cette enveloppe-là peut donner des douleurs terribles au niveau de la glande pinéale. Et elle peut, évidemment, donner l'impression de crispement, d'aiguilles qui traversent bord en bord de l'endroit, de torsion, d'étirement, de déchirement, et puis tout ça. Alors, court-circuit, ça peut être quelque chose comme ça, mais évidemment, la question est vague. Mais c'est quelque chose de normal. Puis pour certains individus, ça peut être extrêmement douloureux, mais c'est pas dangereux. Ça fait vivre les médecins. D'après toi, Dieu serait-il un égrégore? Bon, alors, je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, c'est que l'égrégore, c'est quoi l'égrégore? C'est une invention de notre psychologie, c'est une forme pensée. Maintenant, c'est que, quel que soit ce qui peut exister dans notre astral planétaire et dans notre imagination, toutes ces choses-là existent à l'état parfait, disons, l'état pur ailleurs. L'homme imagine que ce qu'il a vu, mais il le transforme. Et le transformant, il appelle ça imagination. Alors, disons que le Dieu de l'astral, alors, au commencement, l'homme créa Dieu à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est quoi? C'est pas tout à fait le début de la Bible, quoi que ça aurait pu l'être, mais on l'a inversé ça. Ce qui arrive simplement, c'est que chaque homme a sa religion. Hein? Les Tibétains disent bien un million d'hommes, un million de religions. Alors, un million de religions, un million de dieux. Chacun ici croit à Dieu à sa manière. Chacun ici le voit à sa manière. Chacun ici le pense à sa manière. Alors, dites-moi pas que Dieu n'est pas un égrégore. Dieu est une interprétation de ce qu'il est. Mais Dieu, c'est pas une entité personnalisée. Parce que si c'est une entité personnalisée, il est pas partout. Puis étant donné qu'il est partout, ben vous pouvez pas entrer en contact avec une forme de Dieu. Sinon, c'est une imagination égrégorienne de votre psychologie astrale. Alors, Dieu est un égrégore, donc une forme pensée créée par le passage, donc la prise de conscience de Dieu, mais sans mots. Le fait de mettre un mot à tout, bien, le réduit, le tue. Vous voulez connaître Dieu. Ben oui, mais vous voulez tellement le connaître que vous ne pouvez pas le connaître parce que vous en faites partie. Puis recherchant à l'extérieur ce qui est partout, bien, vous ne pouvez pas trouver dans le partout parce que vous ne cherchez pas dans le partout. Vous cherchez soit en vous, soit dehors de vous. Mais partout, ce n'est pas en vous, puis ce n'est pas dehors de vous, c'est partout. Alors, le Dieu que vous priez ou le Dieu que vous ne priez plus, bien, c'est tous des dieux différents pour tout le monde. Vous lisez la Bible, c'est un Dieu différent pour chacun qui va lire la Bible. Et Dieu est indépendant de ça. Mais cette forme de divinité-là, pour laquelle on va massacrer les infidèles, pour laquelle on va vouloir convertir les autres, pour laquelle on va jurer sur un livre, pour laquelle on va pouvoir punir du monde, culpabiliser des enfants, ce Dieu-là, c'est un Dieu grégorien, un Dieu typiquement astral, c'est un Dieu humain. Bon, c'est un Dieu dans le ciel. L'énergie divine, ça n'a aucun rapport avec ça. Si on parle, on s'imagine souvent, on a un beau concept d'un Dieu qui est gentil. Ben oui, parce qu'on n'en veut pas un qui est colérique pour nous autres, hein? Bon, un Dieu qui va nous donner quand on le prie ce qu'on veut. Ben oui, c'est sûr, il n'est pas pour nous donner ce qu'on veut pas, ça va de soi, sans ça, on change de Dieu. Alors, je dis souvent, moi, le voyageur demande du beau temps, le paysan demande de la pluie, puis Dieu, ben, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Dieu hésite. Parce qu'est-ce qu'il donne du beau temps ou de la pluie? Lequel des deux que Dieu aime le plus? Pas celui qui donne une banane sur un hôtel de temps en temps. Dieu, il a créé la banane. Il n'a pas besoin de banane, s'il y en veut une, il s'en fait une. Alors, Dieu, c'est quoi? C'est pas parce qu'on va allumer des cierges que le réel Dieu va répondre. Parce que les cierges appartiennent à Dieu. Dieu est partout. Alors, c'est pas en prenant un morceau de Dieu et en l'offrant à Dieu que Dieu est content. Dieu, là, il vous regarde puis il se demande ce que vous faites là. Alors, si on regarde, par exemple, à un moment donné, il y a une immense roche qui a déboulé une montagne qui va s'arrêter sur le bord d'un ruisseau. Et puis là, la roche, elle est là. Et puis, c'est normal. Alors, il y a des lézards qui montent dessus, qui se dorment au soleil. Il y a des oiseaux qui atterrissent là-dessus, qui regardent dans la rivière, puis quand ils voient un poisson, ils plongent dans l'eau, bouffent le poisson. Un jour, il y a un homme qui passe par là, puis il voit la roche. Puis il la trouve belle, puis extraordinaire. Elle ressemble à... comme une table. Il va chercher sa petite gang, ils prennent la roche, ils l'amènent dans leur église. Il ascule, ils en font un hôtel. Puis là, il l'offre à Dieu. Alors là, Dieu avait déjà dit bien avant, « Tu ne feras pas d'hôtel en pierre taillée. » Ben oui, mais il faut voir où sont nos hôtels en pierre taillée. Parce que ce que l'homme touche, l'homme le souille. C'est normal, parce que l'homme le transforme selon son concept de ce que Dieu a besoin. Mais c'est l'homme qui a besoin de ça, pas Dieu. Puis l'homme offre ça à Dieu. Alors là, les hommes sont devant leur hôtel, puis là, ils commencent à prier, puis ils sont contents, puis ils font des offrandes. À un moment donné, il y a une voix qui se fait entendre. Puis la voix a dit, « Qu'avez-vous fait? » Là, l'homme, il se lève debout, puis là, paniquant un peu, parce que t'appelles toujours Dieu, mais tu t'attends pas à ce qu'il vienne te voir. Et puis là, ben il dit, « On a sculpté cet hôtel-là pour toi, puis on te l'offre. Voyez-vous, fils, vous prenez en mon sein, vous le transformez parce que vous trouvez que ma création n'est pas parfaite, et vous voulez me l'offrir. Tout est de moi, et tout est en moi. Et tout ce que vous pourrez fabriquer, ben si je l'ai déjà. Parce que si vous pouvez le fabriquer, c'est que j'en permets la transformation. » Alors, l'autre, il lui dit, « Ben oui, mais c'est parce qu'on veut te faire des offrandes. On veut communiquer avec toi. Oui, mais ton offrande ou l'offrande d'un autre, c'est quoi sinon une offense? Ce que tu veux, ben avant que tu le saches que tu en as besoin, moi, je le sais. Moi, je le mets là et toi, tu vas chercher une roche pour en faire une hôtel pendant ce temps-là. Vois-tu, la roche, elle était placée là et elle avait sa raison d'être. Et maintenant, l'homme est passé, a pris la roche et il l'a ôtée. Va falloir en faire débouler une autre roche. L'homme, le Dieu qu'on connaît et le Dieu qu'on veut est un égrégore formé par l'esprit humain. Et ce Dieu-là ne répond pas à l'aspiration humaine parce que l'homme demande et l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Par contre, l'authentique, disons, énergie divine, donne pas à l'homme ce qu'il veut, mais donne à l'homme ce que l'homme a besoin. Et qu'est-ce que l'homme a de besoin? L'homme a de besoin de ce qu'il faut pour pouvoir réussir à atteindre Dieu, donc à comprendre. C'est pas la foi qui vous amène à Dieu. C'est la compréhension du chemin. Vous avez foi que vous allez y arriver. Maintenant, comprenez le chemin pour y arriver. Il faut ces deux choses-là. Alors, le Dieu lui-même qu'on connaît, le Dieu qu'on parle, ce Dieu-là, c'est un égrégore, c'est un Dieu dans le ciel, c'est un Dieu astral. Mais il existe de quoi de supérieur à ça. Les apparitions à la Vierge Marie et à Jésus viennent de quelle énergie? Je pense qu'il est à noter ici, Daniel, que ce ne sont pas les mêmes apparitions dont on parlait tantôt qui étaient astrales où la Vierge apparaissait. Mais ici, c'est bien les apparitions que Marie a reçues. Ah, d'accord, les apparitions de la Vierge. Ainsi que Jésus lorsqu'il était sur la montagne. Bon. Alors ça, ce sont des apparitions extraterrestres absolument typiques, mais des apparitions dans le domaine matériel et astral dirigées par l'intelligence. Alors, ce ne sont pas des apparitions manipulatrices comme on a. Mais présentement, l'homme n'a plus besoin de voir en songe, parce que c'était en songe, cette apparition-là. ou dans un moment d'extase comme Marie. L'homme aujourd'hui est capable d'entrer en contact direct avec les mêmes genres d'énergie, mais en étant éveillé parce que l'homme est rendu à un point d'intelligence où il peut le faire. Alors, il ne faut plus rechercher des choses comme ça s'est passé, parce que ça s'est passé dans un cadre passé. Ça s'est passé dans des individus qui n'avaient pas une psychologie comme la nôtre, qui n'avaient pas une faculté intellectuelle comme la nôtre, qui n'avaient pas un corps physique comme le nôtre, qui n'avaient pas les connaissances comme on les a. Alors, il ne faut pas vouloir revivre là, 2000 ans. Ça s'est passé là, 2000 ans. Laissons ça où ce que c'est, et maintenant, il y a d'autres choses. Les mêmes énergies vont réapparaître et réapparaissent quotidiennement, mais pas comme ça s'est passé à l'époque. On n'est plus les mêmes genres d'individus. Il faut qu'on accepte qu'on ait changé, qu'on est meilleur. La tombe a considérablement changé depuis ce temps. Ah, énormément. Il y a des nouvelles plantes, il y a des nouvelles formes d'hommes, on est plus grand. On a un physique tellement plus extraordinaire. Regardez juste pour vous dire, la personne qui a couru le marathon la première fois, c'était un Spartiate qui restait à Sparte, c'était en Grèce. Et puis lui, il y avait une guerre justement entre, je crois que c'était les Perses, qui ont voulu dominer la Grèce, et puis les autres avaient pris Athènes. Et puis le dernier vestige spartiate, qui était une ville de Grèce, avait été sur un col. Et puis, il y avait le seul chemin pour arriver à Sparte. Il y avait une espèce de montagne. Puis, pour passer dans ce défilé, pour passer là-dedans, il fallait absolument traverser, justement, en passant entre le défilé pour arriver à Sparte. Les Spartiates se sont placés en haut et ont commencé à attaquer les Perses qui arrivaient en jetant des roches, des lances, etc. Maintenant, c'était impossible d'arriver à monter par-dessus, justement, à pousser les Spartiates à l'extérieur de tout ça. Mais il y a un Spartiate qui les a trahis. C'était pas un Spartiate, c'était une personne qui était venue les aider au combat, qui est descendue, qui a montré aux Perses le chemin pour arriver en haut, puis qui s'est tout massacré. Et il y a un Spartiate là-dedans qui est parti de là et qui a couru jusqu'à Sparte, je crois, si je me fouille bien à la bonne place. Et puis c'était le premier marathon. Mais lui, il a couru en combien de temps? Bon, ben peut-être 35 fois plus lentement qu'un coureur aujourd'hui peut faire normalement, qu'il y a de l'entraînement, qu'il peut faire un marathon. Et puis, si on regarde juste au niveau des Olympiques, ben le 500 mètres a été couru, disons, en 15 minutes en 1920. Aujourd'hui, on le fait peut-être en 45 secondes. Pourquoi? Parce que d'année en année et de génération en génération, on saute plus haut, on court plus vite, on plonge plus loin, on nage plus vite. Le corps s'améliore. L'homme le fait, c'est normal, parce qu'il y a une évolution dans le domaine de la matière. Alors, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ces corps-là n'ont aucun rapport avec les nôtres. Leur psychologie, leur cerveau, leurs neurones n'ont aucun rapport. Ces entités-là qui les ont contactés c'était nécessaire qu'elles soient de forme matérielle et astrale, dirigées par l'intelligence, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer autrement. Bon, il n'y a pas d'ajusteur de pensée à l'époque. Le Nazarien s'en venait, mais ce n'était pas fait. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on l'accrédite, disons, des communications comme ça. Elles vont se faire d'une façon beaucoup plus intelligente. Mais quand même, c'était une communication absolument intelligente, différente, mais qui était de la même source. La même communication que la nôtre, sauf qu'elle a pris un véhicule différent, parce qu'à l'époque, c'était intelligent de prendre un véhicule différent, parce que l'homme n'était pas prêt. Parce que le Nazaréen n'avait pas fusionné encore. C'est ça. De la manière que je t'ai entendu parler pour... Oh, excuse, non. Je recommence. De la manière que j'en ai entendu parler, pour moi, un guide est une entité beaucoup plus élevée que nous et qu'il est là pour nous guider, mais de la manière que j'ai entendu parler. Dont tu parles de l'ajusteur de pensée, on dirait que tu parles du guide. D'après toi, ont-ils la même mission? Pour moi, je ne le pense pas, car le guide n'a pas la même évolution que nous. Effectivement. Le guide, les guides que l'on connaît sont des entités. Disons, ce sont... Bon, on va expliquer brièvement, après ça, on viendra là-dessus. L'ajusteur de pensée a été en contact avec un être. Cet être-là a été en contact avec l'énergie divine. Et automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que l'être a évolué. Il y a eu une espèce de fusion, il a traversé la sphère astrale planétaire et il a traversé complètement la sphère mentale planétaire pour devenir une énergie. Mais ce chemin-là a laissé derrière lui des mémoires. Alors, l'ajusteur de pensée est allé sur un individu, l'individu a évolué et le guide a été dirigé par l'ajusteur de pensée. Alors, de cette façon-là, effectivement, l'ajusteur n'est pas le guide. Par contre, le guide, qu'est-ce que c'est? Là, on ne parle pas des Melchizedek. Il y en a présentement ici, mais ça ne regarde pas l'individu. Le guide, c'est quoi? C'est que l'évolution de l'individu dans son cheminement au niveau de son individualité et du cheminement de l'évolution planétaire, en traversant la sphère astrale, c'est-à-dire qu'en évoluant, il a pensé, il a parlé, et il a vécu, et tout ça est enregistré dans l'astral. Lui disparaît, il traverse, il brise la sphère astrale, puis disparaît complètement, il continue son cheminement. Et ce qu'il va rester, c'est une mémoire du guide, une mémoire de l'individu. Et cette mémoire-là, c'est ça, le guide. C'est pas un individu authentique, c'est une mémoire d'un individu qui a traversé. Alors, un guide peut nous aider jusqu'à temps qu'il nous nuise. Et il va nous aider, bon, jusqu'à un certain niveau. Il va nous aider dans nos rêves, dans notre conscience éveillée. Et il va nous aider de différentes façons, mais ça, c'est astral. Et une personne, et pourquoi ça peut être dangereux, c'est que le guide lui-même peut, le guide peut se chercher des disciples, mais souvent, l'homme qui a peur parce qu'il ne comprend pas, s'il ne peut pas atteindre Dieu, même le Dieu qui l'a créé, automatiquement, s'il rencontre une forme mémorielle d'une personne qui a réussi, donc d'un maître, d'un guide, bien, il peut devenir son disciple, même si le guide ne veut pas de disciple. Mais la mémoire ne peut pas se défendre, parce que la mémoire n'est pas le guide, n'est pas l'entité réelle. Automatiquement, bien, on peut rester attaché à des formes qui vont nous diriger, mais qui vont nous diriger jusqu'à les hautes sphères de l'astral, mais qui ne pourront pas nous faire traverser parce qu'elle n'est que mémorielle. Alors, l'attachement à qui que ce soit dans le domaine de la matière, ou dans le domaine de l'astral, donc qu'il soit un guide, qu'il soit spirituel ou ésotérique ou n'importe quoi, bien, l'attachement, c'est une limitation. On peut respecter quelque chose, mais il ne faut pas s'attacher à quelque chose. Est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, que ces guides de lumière étaient bons lorsque on a traversé l'ère du poisson, qui était l'ère de la croyance, et puis que pour l'homme de la sixième race, l'homme nouveau, les pionniers de la sixième race ne peuvent définitivement pas se servir du guide de lumière, à moins que ce soit juste pour l'emmener au supramental, bon. L'emmener à la connaissance d'une conscience qui est la conscience supramentale. C'est vrai. Mais l'ère du Verseau que tu parles va commencer quand tous nous autres, on va être morts. Et là, ça va être des authentiques. Il va rester sur la Terre. La Terre va être habitée que par des personnes qui vont avoir vu le jour dans l'ère du Verseau. Donc, tant que ce climat-là n'est pas arrivé, tant que ce temps-là n'est pas arrivé, ces guides-là sont encore utiles parce que présentement, c'est le poisson qui continue son avance dans le Verseau. Certains vont pouvoir vivre une espèce de mutation, même s'ils sont encore tributaires de l'ère du poisson, et vont se transformer, disons, en Verseau. Mais la grande majorité ont encore besoin de ces guides-là, mais checkez-vous. Le phénomène des étoiles rouges qui se promènent dans le ciel, est-ce des soucoupes volantes? Bon, ça peut être... Une chose qui est sûre, c'est un objet volant non identifié. Ça, c'est sûr. Ça peut être un météore, ça peut être une météorite, ça peut être un avion, ça peut être un satellite, ça peut être une forme d'apparition, disons, d'engin extraterrestre. Ça peut être l'apparition d'un engin terrestre qui peut venir d'ailleurs en termes de chronologique du futur. Du passé. Maintenant, ça peut être tellement de choses que, veut dire, faut que quand j'en vois un, je peux vous dire c'est quoi, mais comme ça, je peux pas vous dire. Maintenant, il y a aussi des phénomènes qui sont absolument physiques, biophysiques, qui se passent sur la Terre, qui font des choses comme ça. Quelle est la différence entre un Atlante et un Israélite? Merci. Donc, quand on dit merci, c'est après. Fait que, je pensais que j'avais répondu. Moi, je suis ici pour lire. Non, je dis merci. Bon, quelle est la différence entre un Atlante et un Israélite? Bon, c'est très vaste à répondre. C'est grand comme ça. Disons que l'Atlante, présent l'Atlante, oui, c'est qu'il faut parler avec les phénomènes de réincarnation. L'Atlante, c'est un individu qui a vécu, évidemment, sur Poséidonis, sur l'Atlante, l'Atlantide. Possiblement que cette question-là, Daniel, se rapporte à ce qui se passe au Québec présentement. C'est ça que je pensais, oui. Que, alors, on a des réincarnations d'Atlante. On a Jérusalem, et puis on a des réincarnations d'Atlante qui font partie de cette... C'est ça que je croyais. Les Israël, premièrement, ont été un peuple... Qui a été dirigé par des individus qui ont été ramenés en Terre blanche lors de la destruction de l'Atlantide. La Terre blanche, géographiquement parlant, se trouve à l'endroit où est le Québec présentement. Et c'est à cet endroit-là que les élus sont ramenés à chaque fin, à chaque changement de race, lors de l'enfoncement de l'Hyperborée qui était, qui bordait nos côtes, contenant le Groenland, le Nord, etc., lors de l'enfoncement de la Lémurie, de l'Atlantide et prochainement de ce qui s'en vient. Et les Israélites ont été un peuple qui a été domestiqué, disons, qui a été éduqué par des maîtres, parce qu'on les croyait supérieurs, mais on est tous des maîtres, par des individus qui venaient, des élus qui venaient de la Terre blanche. Et aujourd'hui, au Québec, bien évidemment, les élus se rassemblent encore parce qu'ils se déplacent physiquement, prenant l'avion, déménageant au Québec, ou simplement parce qu'ils naissent au Québec. Bon, alors, au niveau israélite et au niveau atlantéen, les Israélites, ceux qui ont été... Ce ne sont pas des Atlantes qui sont réincarnés israélites, ce sont des individus qui ont été éduqués par des vestiges atlantéens de haut niveau d'évolution. Les Israélites ont beaucoup plus de karma collectif à payer que les réincarnations, disons, atlantéennes, parce que l'Atlante a payé depuis longtemps. Lors de l'Apocalypse atlantéen, celui qu'on a vu en prophétie qu'on s'attend à revivre, et alors les Atlantes ont payé leur karma collectif, les Israélites l'ont presque fini de le payer. Ils l'ont payé en masse, les Juifs, etc. Ils l'ont payé en masse ces derniers temps, mais c'est pas fini. Alors, au niveau de l'endroit, au niveau du Québec, ben, c'est le même phénomène qui se passe, c'est l'appel vibratoire de l'endroit, sauf que l'Israël a encore du karma à payer, et il va le payer. On a planté un, là, que les Atlantes ont vécu pour pouvoir purger leur peine, puis qu'on dit leur peine simplement pour leur permettre de comprendre ce qu'ils faisaient, pourquoi ça leur tombait sur le nez, bien, Israël va avoir à le faire, à apprendre. Maintenant, le karma, c'est pas quelque chose qui est payé en claque. Toi, tu as fait quelque chose, le karma s'en vient vers toi comme un cheval à toute vapeur, puis tout d'un coup, tu comprends la loi. Bien, le cheval n'existe plus. Le train n'existe plus, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu as compris. Et c'est juste ça. Quand tu comprends, tu n'as plus de karma à payer, puis quand tu élimines la mémoire, tu n'as plus aucun karma, ni collectif, ni quoi que ce soit à payer. Alors, la différence, c'est simplement ça, c'est qu'il y en a un qui est antérieur à l'autre, et puis il y en a un qui a été éduqué par l'autre. Israël est éduqué par l'Atlante. Les Atlantéens ont été éduqués, eux autres, par d'autres formes d'énergie, disons, qui étaient avant. D'où viennent les extraterrestres? De quelle planète? De toutes les planètes, et surtout de celles qu'on veut qu'ils viennent. Alors, premièrement, bien évidemment, il y a eu, à un moment donné, un contact avec Vénus, mais ça fait très longtemps, puis aujourd'hui. Avec Jupiter, puis avec une des lunes qui tourne autour de Jupiter, qui est une lune artificielle. Bon. Ça, les savants commencent à découvrir ça, ils commencent à se poser des questions sur ça, puis sur Saturne. Maintenant, Saturne pas rond. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais les extraterrestres viennent de très loin, et ce sont des énergies, et puis viennent de plusieurs places dans notre système solaire et dans notre système galactique. Alors, ce qui fait que l'endroit même n'est pas important. Puis, c'est vraiment pas important, ça vient de tout partout, comme des mouches. Ma femme en rêve voit des extraterrestres. Astral. Serait-ce astral ou message supramental? Non. C'est typiquement astral. Pourquoi? Comme tout à l'heure, j'expliquais, il y a 2000 ans, ça aurait pu être un message, disons, divin. Mais aujourd'hui, c'est un contact de type astral, mais de type astral faible. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans votre conscient comme une imagination collective. Vous avez les yeux ouverts, mais vous le voyez, mais en réalité, le radar ne le perçoit pas. Il apparaît dans les rêves. Et puis ça arrive fréquemment aujourd'hui où on va rêver à un apocalypse, où on va rêver à un avenir extraordinairement beau, où on va rêver à un contact extraterrestre. Et ça, c'est simplement un voyage astral justement où ce qu'on va fouiller dans les mémoires astrales où il y a déjà eu des contacts extraterrestres. Alors, c'est astral. That's it. Est-ce qu'il est mieux d'être désintéressé à tout ce que l'on peut lire ou apprendre pour... Moi, dis en passant qu'être intéressé au désintéressement, c'est pas correct. Je recommence. Oui. Est-ce qu'il est mieux d'être désintéressé à tout ce que l'on peut lire ou apprendre pour recevoir cette énergie, ou si on est mieux de chercher et avec volonté? Soyez donc ce que vous êtes, puis ça va être correct. Ça va être correct, ouais. J'ai vu dans un rêve un dégravitateur à l'intérieur d'une soucoupe. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un appareil qui ôte la gravité. Hein? Vois-tu? Les engins extraterrestres voyagent dans la matière, donc le type matériel, d'une façon, premièrement, où ils peuvent créer un vide en avant d'eux autres. Automatiquement, ils sont aspirés par le vide, ils peuvent voyager à une vitesse extraordinaire. Et puis, le dégravitateur, ben, c'est simplement, justement, une forme illusoire d'appareil qui vous... Donc, qui permettrait de pouvoir être contre la gravitation, mais disons bien simple que si moi, je fais de la lévitation, puis je peux voler. Mais je me bâtis une soucoupe volante en bois, puis je mets des fils électriques là-dedans avec une batterie d'auto, puis des voyants lumineux. Puis là, quand je pousse la manette, bien, la soucoupe se met à avancer. Mais j'ai pas besoin de ça, c'est moi qui fais voler ça. Par contre, bien, j'ai tellement vu de films que ça me plaît d'avoir à jouer avec des manettes. Si je fais venir un être humain à l'intérieur de ma soucoupe, ben, automatiquement, lui, pour pouvoir mieux comprendre, ben, il doit y avoir des appareils dans ma soucoupe qui vont lui donner une explication du phénomène antigravitationnel. Mais en réalité, ces appareils-là, j'en ai royalement pas de besoin pour la simple raison que je voyage pas avec un appareil. C'est faire comme les conférenciers, quoi. C'est ça. Alors, exactement comme si je suis capable de faire avancer mon auto parce que je suis dans une côte. Puis elle avance toute seule, j'ai pas besoin de moteur. Mais si toi, tu peux pas comprendre ça, puis il faut un moteur. Alors, j'ai un moteur, puis je te montre mon moteur, puis après ça, bon, on avance. Mais moteur pas moteur, ça marche pareil. Alors, ce qui fait que c'est simplement un dégravitateur bidon. C'est-à-dire que ces appareils-là ont pas besoin de ces choses-là, parce qu'ils sont parallèles à notre monde, mais pas dans notre monde. Et donc, ils sont pas sujets aux lois, totalement à nos lois. Très relatif, la loi qui régit un endroit, une planète. Sur une autre planète, c'est différent. On sait, par exemple, que Mercure a les pôles extrêmement bouillants et l'équateur complètement gelé. Par contre, sur la Terre, les pôles sont gelés et l'équateur est bouillant, c'est-à-dire chaud. Et on trouve ça normal par rapport à ce qu'on a pu étudier. Mais change d'endroit, ben les lois changent. Alors, ce qui fait que eux autres viennent ici, puis quand, par exemple, tu rêves à ça, ou si tu te fais enlever, tu vas voir des appareils qui sont en accord avec ton concept de loi. Mais tout est relatif, la relativité aussi, très important, et tout ce qu'on peut voir à l'intérieur de ça et tout l'équipement nécessaire ne sert absolument à rien qu'à nous tromper. Bon. À votre santé. C'est pour que l'humain comprenne mieux. C'est comprenne comme... moins bien, ouais. Moins bien, OK. J'aimerais que tu expliques la prochaine descente d'énergie. De quelle façon, quand et comment sais-tu cela? Alors, le 23 juin prochain, à 12h, heure de Greenwich. Non, prochainement, je vais commencer à expliquer c'est quoi l'énergie avant d'en parler. Et puis, le mois de juillet, justement, il y a des conférences qui... Je n'ai pas les titres ici, là, mais je vais parler de qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce qu'une descente d'énergie, un peu par après. Et puis, lentement, ben c'est ça, on va en parler parce qu'il faut qu'on prépare l'individu à savoir. Il y a des choses qui se disent pas quand c'est pas le temps... Et puis, ben, il n'y a rien à faire, ça ne se dit pas, puis ça ne sort pas. Alors, à un moment donné, ben, je vais en parler. Puis ça, c'est cet été, il y a des conférences, je pense que vous avez déjà eu l'horaire. Et puis, on va parler des descentes d'énergie. Ce n'est pas de la publicité, c'est simplement que ça serait absolument inadéquat puis complètement sans dessin d'en parler à soi. Il y en a plusieurs qui n'étaient peut-être pas supposés d'en parler, mais qui ont parlé de la fin de l'année 1984 serait très importante au point de vue énergétique. Ouais, ben c'est sûr. Est-ce que ça a une relation avec immense ça? Relation. C'est pour ça que c'est cet été qu'il faut qu'on parle de l'énergie à ceux qui peuvent être prêts, parce que cet automne, il y a de quoi qui s'en vient. Élaborer sur les êtres de lumière qui viennent former des groupes pour se préparer aux événements qui arriveront bientôt pour la mutation de l'homme. Est-ce que tu as compris? Ben oui, j'ai compris. Mais toi, non? Merci. Alors, élaborer sur les êtres de lumière qui viennent former des groupes pour préparer ces groupes-là aux événements qui arriveront bientôt pour la mutation de l'homme. Bon. Alors, voilà. Les êtres de lumière, les guides de lumière, c'est des formes, disons, astrales, dirigé par une entité intelligente, donc supramentale, ou directement une entité supramentale qui vient se présenter à un individu qui a la capacité, donc qui a par exemple le chakra de la gorge développé, la capacité de communiquer, de parler, qui est un magnétiste, et qui vient le manipuler pour lui donner un cheminement pour pouvoir perturber encore plus la masse humaine, donc Plus tu as de choix, moins tu sais quoi choisir. Et moins tu sais quoi choisir, ben plus tu es perdu. Et plus tu es perdu, ben plus à un moment donné, tu arrives à comprendre, de par toi-même. C'est là l'important. Pas de par les autres, de par toi-même. Alors, ce qui arrive, c'est que les événements qu'on attend, ben évidemment, c'est pas ceux-là qui vont arriver. Hein? Alors, être prêt, on peut pas être prêt à ça, sauf si on est prêt à tout. Puis être prêt à tout, c'est facile à dire, mais on n'est jamais prêt à tout. Ben, on peut l'être, mais en tout cas, la majorité qui le disent ne le sont pas. Et puis, ces êtres de lumière-là font un travail qui est absolument essentiel parce que il y a des individus qui ne peuvent progresser que par un certain chemin parce que leur concept les limite tellement. Alors, ils peuvent pas voir un chemin. Alors, on leur bâtit un chemin pour eux autres, pour les faire cheminer. À un moment donné, ben, tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome. Alors, automatiquement, ben, ces êtres de lumière-là ont réellement un travail à faire ici. Mais l'homme n'a pas besoin d'être de lumière. L'homme doit devenir un être de lumière. Facile à dire, mais c'est quand même ça. En attendant, ceux qui en suivent, ceux qui se font dicter par un être de lumière, ben, il y a des êtres de lumière qui peuvent être typiquement astrales, qui peuvent être le retour mémoriel d'une entité de lumière qui est réellement passée ici. Donc, on peut vous faire avoir. Et puis, vous pouvez être en contact avec une entité supramentale directe. Sauf que si elle se présente sous forme d'être de lumière, c'est que l'individu qui le voit ou les individus qui vont suivre la personne, c'est des individus qui ne sont pas encore prêts. Et le chemin va les aider à monter vibratoirement pour arriver à plus avoir d'être de lumière, mais avoir l'énergie divine en eux. Autrement dit, pendant un certain temps, tu as besoin d'un apôtre qui a le Saint-Esprit pour te parler. Puis, il y a un moment donné où tu as le Saint-Esprit puis tu n'as plus besoin d'apôtre. Est-ce que j'ai bien compris quand est-ce que tu as dit que le supramental, la conscience supramentale peut utiliser un être de lumière, mais oui. C'est pas un être de lumière provenant de la conscience supramentale, ils vont aller chercher dans l'astral de la planète. Oui. Parce mais que c'est astral. Mais elle peut aussi apparaître sous forme d'être de lumière en plus. L'énergie haute a comme possibilité de diminuer sa vibration, pas de l'augmenter. Alors, l'énergie supramentale peut aussi te bâtir ce que tu as de besoin si ça n'existe pas dans l'astral pour pouvoir te guider. Et elle peut prendre un entité mémoriel hyper évolué du domaine spirituel astral et s'en servir comme être de lumière présenté à quelqu'un. Est-ce que ça serait une exception? C'est un contact extraterrestre, évidemment. C'est une exception, ça, en ce moment-là. Oui. Parce les qu'habituellement, êtres de lumière sont rares. Dans l'énergie supramentale. C'est ça. Très rare. Parce qu'habituellement, c'est... Très rare. Très rare, mais c'est des choses qui se font. C'est du monde qui vont avoir à faire un pont entre un spiritualisme organisé, celui qu'on connaît, donc des religions organisées, des écoles organisées, avec, disons, nous autres. Puis ils font le pont. Ils prennent le monde, ils sont là, qui sont prêts à l'ésotérisme, qui sont prêts à de nouvelles découvertes, pas prêts à ça. Et puis, lentement, ben, ils vont les faire cheminer, puis d'un coup, le monde décroche, puis ils vont là. Le travail est extraordinaire, puis absolument parfait. D'ailleurs, ça, dans le passé, c'est on a du monde présentement qui sont guidés par des êtres de lumière de type supramental. Puis c'est bien correct. Comment remédier à ces douleurs physiques lors du passage de l'énergie supramentale? Premièrement, vous devez voir votre médecin. Pourquoi? Parce que ça peut être le passage de l'énergie cancéreuse. Ça peut être une indigestion. Et puis, en dernier de tout, ça peut être le passage de l'énergie supramentale. Alors, les douleurs physiques, ça c'est important, c'est pas une farce. C'est très important parce que l'homme arrive souvent à vouloir s'imaginer. Le positivisme, c'est bon. Mais quand t'as un camion qui te pile sur le pied, t'as beau être bien positif, il te pile sur le pied pareil. Alors, c'est pas en attendant d'attendre qu'il soit trop tard avant de commencer à faire de quoi. Et puis, les énergies eux-mêmes, si ton corps est en santé, si tu l'entretiens, si tu le perfectionnes, c'est-à-dire que si tu le conscientises, si tu fais du sport, tu prends du soleil, tu fais du camping, tu fais quelque chose avec ton corps. Le corps physique a une utilité primaire, il est animal premièrement, et il y a des besoins animaux. Et puis ça, il faut qu'on lui donne. La vitalité, l'énergie, hein, vous mangez comme il faut, vous prenez le repos que vous avez besoin. Bon, ces choses-là, c'est tous les corps, on les nourrit puis qu'on les connaît comme ils doivent être connus. Quand l'énergie supramentale descend, il n'y a aucun problème. Et les médecins aujourd'hui, on a vécu une époque de médecins pilules. Mais les médecins aujourd'hui sont eux aussi, c'est des êtres humains évolutionnaires. Et il y a des médecins aujourd'hui qui commencent à découvrir, pas juste l'acupuncture, puis la massothérapie, puis les champs magnétiques. Il y a des médecins qui commencent à comprendre d'autres choses qui n'ont plus d'allure. Puis vous pouvez être surpris quand vous parlez à votre médecin, les médecins jeunes surtout, mais il y a quand même des médecins qui ont un certain âge. Et puis, les médecins, ça se magasine. Si votre médecin ne peut pas comprendre, changez de médecin. Il y en a d'autres qui vont comprendre. Et puis, à deux moments donnés, le malaise physique, c'est un malaise physique. Il a beau être causé par l'énergie supramentale, c'est un malaise qui est physique. Puis le malaise physique, ben au moins, si on peut guérir le symptôme, si on ne peut pas guérir la cause, ben en attendant, c'est déjà correct. Chose qui est sûre, c'est que pensez pas que l'énergie supramentale va vous guérir. Elle va vous empêcher d'être malade si vos corps sont en santé. Vous guérir, non. L'énergie vitale va vous guérir, donc un magnétiseur va vous guérir. Une personne qui a l'énergie supramentale peut-être peut vous guérir, puis un médecin peut vous guérir. Puis vous aussi, mais faites attention à ça. Alors, ce qui fait que la première chose, si vous avez des douleurs, ben c'est ça, consultez votre médecin. C'est pas une farce, c'est une chose sérieuse. Si le médecin fait tous les diagnostics puis vous avez rien, ben consultez peut-être votre psychologue, ou bien non, là, pensez qu'il y a de quoi qui se passe. Mais, oui. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je sais, je t'en regarde faire, là, puis je vois bien ça. Parce que, à ma connaissance, des médecins qui sont conscients de l'énergie supramentale, au Québec en tout cas, on peut les compter sur nos 10 doigts de la main. Et puis, si quelqu'un va voir un médecin avec des symptômes quelconques, et puis, telle que mon expérience, telle que l'expérience que j'ai eue dans ma vie, moi, avec les médecins, pas nécessairement la mienne, mais avec des gens que j'ai connus, aussitôt qu'ils ont certains symptômes, bien, ils mettent ses pilules ou ils rentrent à l'hôpital, ils les opèrent aussi ou ça. Oui, change de médecin. Oui. Je change de médecin. Je connais quelqu'un qui a fait ça, moi, puis qui s'est ramassé avec 23 opérations. Il avait un karma à payer. Il n'aurait peut-être pas dû changer de médecin. Il allait peut-être le bon au début. Il a dit qu'il fusionnait. Il n'a pas cru. Non, de toute manière... Daniel, tu sais comme moi, ce que tu dis, je suis d'accord. C'est correct si on vient voir quelqu'un qui, disons, un médecin... Non, qui est conscient qu'il y a une conscience supramentale. Parce que on connaît des gens qui ont commencé à faire un cheminement et puis tout à coup, paf, ils ont de l'air des vrais, des personnes prêtes à entrer dans la grande bâtisse grise. Non, quelqu'un qui n'est pas conscient de ça va l'envoyer là. Mm-hmm. Il va lui donner des pilules, ils vont lui passer des tests et ils vont le rempirer. Oui, mais là, on parle de malaise physique. Si tu as des douleurs rétrosternales, si tu as, par exemple, des montées de tension, si tu fais de la fièvre, si tu as des douleurs au foie, t'sais? Si tes pieds enflent, puis tu as un certain âge, même si tu te conscientises, ça n'empêche pas l'énergie normale, physique, matérielle, psychologique, etc., de venir mener son jeu. Alors, ce qui fait que la première chose à faire, c'est quand même de consulter un médecin. Et puis, par après, toi, tu vas juger. Une chose qui est sûre, c'est que l'individu qui a des symptômes, parce que l'individu ne connaît pas la médecine. Moi, je connais la médecine, puis moi, je peux savoir quand et quand pas. Bon. Mais venez pas me voir, les médecins connaissent plus la médecine que moi encore. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des symptômes typiques de l'évolution. Mais l'homme ne connaissant pas la médecine, l'homme s'imagine automatiquement une certaine chose, là. J'ai senti comme une aiguille qui me transperçait le cœur, puis j'ai eu un engourdissement au bras, jusque dans le petit doigt. Puis ça a disparu. Je suis en train de me conscientiser. Non, tu fais de l'artériosclérose. Puis si tu continues à faire ça, ben à un moment donné, un simple petit traitement médical ou simplement la moindre petite chose peut carrément éliminer ça. Si tu attends de faire de l'angine régulièrement, de faire un infarctus, ben là, les médecins, tu arrives à un moment donné dans la science médicale où eux autres ne savent plus quoi faire. Mais attends pas d'être rendu là pour aller voir un médecin. Parce que là, c'est sûr qu'il va te passer à la salle d'opération. C'est sûr qu'il va te bourrer de médicaments parce que tu es rendu trop loin. Mais si tu vas voir le médecin tout de suite, tu lui dis simplement que de temps en temps, j'ai les pieds qui enflent. Lui, il va commencer par vérifier ta diète. Qu'est-ce que tu manges tout le temps? Bon, ben élimine telle affaire, tu vas voir. Ils ne donneront pas des médicaments tout de suite. Mais si tu as 75 ans, ça fait 15 ans que tes pieds enflent, une fois que tu te couches le soir, ben là, c'est évident qu'ils te donnent des diurétiques parce que tu as un problème. Tu souffres d'insuffisance cardiaque. Il y a des symptômes normaux. Mais si c'est ça, la personne qui a des douleurs physiques, c'est évident que tu as mal au coude à un moment donné, tu vas pas voir ton médecin. Mais ça, surveillez-vous parce que l'astral, l'imagination qui pousse l'homme à vouloir se conscientiser, en a tué énormément d'individus. Elle en a massacré énormément. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des douleurs qui sont normales lors de la conscientisation, lors de l'entrée d'énergie. Mais l'astral, c'est dit tout de suite, quand t'as mal, « Ah, c'est pas grave, je me conscientise. » Va voir ton médecin, regarde ce qu'il te dit à un moment donné. Tu sais, t'entends des bourdonnements, puis t'entends plus sourd dans l'oreille. Mais t'as passé les têtes baignées, t'as jamais essuyé les oreilles. Bon, puis là, tu sais, il a déjà parlé que, oui, t'as peut-être un otite. T'sais? Mais c'est niaiseux, le médecin, il regarde. S'il voit rien, il voit rien. Là, OK, tu peux te poser des questions. Comment te faire aller voir? Fais-toi pas au médecin, va jeter un œil chez le médecin. Pour les douleurs physiques, je te parle. Je te parle pas parce qu'à un moment donné, tu sais, non, pour les douleurs physiques. Comment te faire aller voir ton médecin? Un acupuncteur. Va voir ton médecin. Va voir l'acupuncteur si tu veux. Après que tu auras le diagnostic, que tu sauras qu'est-ce que le médecin pense que tu as. C'est ta conférence. Oui. Y a-t-il une différence entre l'énergie supramentale de notre système, système et l'énergie supramentale d'un autre, excuse. Y a-t-il une différence entre l'énergie supramentale de notre système? Ah, OK, je comprends. L'énergie supramentale des autres systèmes? Système et l'énergie supramentale. C'est parce que système est répété deux fois ici, là. Et l'énergie supramentale d'un autre système solaire, et pourquoi? C'est original. Y a-t-il et pourquoi? Bon, ben il y a une légère différence, mais ça encore, je ne veux pas aborder ça, parce qu'il y a des individus présentement qui sont... qui ont justement l'énergie supramentale d'un système différent, d'un soleil différent. Et puis, c'est... Non, c'est pas encore le temps qu'on aborde quelque chose comme ça, dans une dizaine d'années. Pas tout de suite. Ah, c'est pas bête, ça. Pourquoi ne nous servons-nous pas des extraterrestres pour avancer technologiquement sur la Terre? Pour la simple raison que les extraterrestres arrivent ici, puis toute la science qu'ils ont ne peut pas être applicable sur la Terre. L'homme s'imagine pouvoir l'appliquer, l'homme rêve de l'appliquer, mais cette science-là ne s'applique pas. C'est beau de voir un appareil qui te permet... Par exemple, un revolver qui te permet d'émettre des faisceaux laser qui peuvent faire rougir une roche à tel point qu'elle va te chauffer toute la nuit. C'est beau de voir un extraterrestre faire ça. Mais fabrique-en un. Démonte-le, tu vas te rendre compte que tout ce qu'il y a dedans n'est pas sur la Terre. Ou encore qu'il est vide. Bon. Alors, leur technologie, faisant un laser qui fait ça, mais va être absolument différent du type de laser de l'extraterrestre. Leur soucoupe, c'est la même chose, puis leurs habillements, puis toutes ces choses-là. Alors, ce qui fait que leur technologie ne peut pas servir à rien ici, sauf nous donner l'idée de faire la même chose. Mais alors, c'est pour ça qu'on ne s'en sert pas, c'est parce qu'elle n'est pas applicable dans notre continuum spatio-temporel, dans notre phénomène planétaire. C'est pas applicable. Et puis, en plus, le fait de voyager d'une planète à une autre ne réglera pas le problème que dans 15 ans d'ici, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, tu vas mourir. Puis, tu n'auras pas plus compris qu'est-ce que tu es venu faire ici. Fait que tu auras beau voyager d'un système à un autre, bien, ça ne réglera pas ton problème. Comment te faire régler le problème humain? Puis après ça, tu verras le problème technologique, puis tu verras qu'il n'y aura même plus de problème technologique. Parce que toi, avec, ça pourrait te prendre un laser vide puis tirer avec. C'est? Est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, que la majorité des ovnis sont une matérialisation? Bien, c'est une matérialisation, soit matérielle typique ou soit astrale. L'astral est matériel. Disons matériel solide typique. Pas toutes. Loin de toutes. Beaucoup. Beaucoup. Oui. OK. Parlez des intraterrestres, s'il vous plaît. Oui. À un autre moment donné, on pourra peut-être en parler plus longuement. Les intraterrestres, je vais parler simplement de ce qu'on connaît. Je vais parler simplement de ce qu'on connaît parce que ça va être trop long et trop vague. Trop vague parce que je n'aurai pas le temps. Alors, on a différentes entrées. La Terre, on la croit, l'homme scientifique sait qu'au centre de la Terre, il y aurait comme une espèce de soleil. Ce que l'homme ne sait pas, c'est qu'entre le soleil et la matière solide, il y a un espace vide. Et qu'à l'endroit de cet espace-là, ben, il y a aussi des continents, des océans et tout ça. Et l'homme scientifique sait qu'il y a un soleil. Et l'homme scientifique explique le volcan par rapport à la matière en fusion terrible au centre de la Terre, donc solaire. Et à un moment donné, le magma en fusion, la lave, réussit à briser par la pression, à briser l'écorce terrestre et à sortir en volcan. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais ça n'a jamais réussi à creuser encore jusque-là. Hein? Et puis, on n'a jamais descendu encore au centre de la Terre, comme Jules Verne le pensait, à partir de volcan. Parce qu'à un moment donné, ça se bouche par le bouchon de lave lui-même. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, on connaît des entrées qui sont ésotériques et qui sont traditionnelles, en l'occurrence Shambhala et Lagartha, dont une est au Tibet, une est au pôle Nord. On a, par exemple, on aurait un trou au pôle Nord, Bon, il y a un trou, effectivement, qui existe au pôle Nord. Et de temps en temps, on a les effluves du soleil central qui sort par là sous forme de grands rideaux magnétiques qu'on peut voir de temps en temps. Quand on regarde le Nord, on appelle ça aurore boréale. Alors, c'est pas, on peut pas l'expliquer scientifiquement, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Et puis, les intraterrestres, ben, c'est ceux qui vivent là. À l'intérieur de la Terre, et non pas au centre de la Terre, existe Shambhala. Et ça, c'est pas au centre, mais c'est à l'intérieur de la Terre. Et là, vivent certaines entités qui ont percé les sphères astrales, mais qui présentement ont un travail à faire ici, et des entités qui ne sont pas nées de la planète, mais qui viennent présentement ici parce qu'ils servent de catalyseurs évolutionnaires. Ça, on viendra là-dessus aussi à un autre moment donné. Les autres vivent donc pas au centre de la Terre, mais au creux de la Terre, dans la Terre. Est-ce que ce sont les maîtres du monde? Oui, les autres sont les maîtres du monde extérieur et intérieur, et ils vivent entre les deux. À ce moment-là, ils ont déjà vécu sur la Terre? Pas tous. Une bonne partie? Non. Il y en a qui ont vécu sur la Terre, puis la grande majorité n'ont pas vécu sur la Terre. Ils viennent de l'extérieur. Combien est-ce qu'il y en a? Ça, c'est un regard de pause. Parce que les 12-13 qu'on... 12-13-14, oui. 12-13-14 qu'on connaît ont vécu sur la Terre. Moi. Ouais. Moi. Ouais. Et les autres viennent de l'extérieur. Ouais. De l'extérieur. OK. Mm-hmm. L'âme peut-elle mourir? Bon, c'est le temps de répondre à ça. L'âme peut mourir et doit mourir. Ça, je vais répondre tout à l'heure. La garder pour la fin, celle-là. C'est correct, celle-là. Pourquoi? Parce que... L'homme peut agglomérer une mémoire et lentement, l'homme se fabrique un corps astral. C'est-à-dire que l'homme finit par avoir une mémoire. On a chacun notre mémoire qui nous est propre. Et dans notre rêve, dans notre sommeil, on peut voyager dedans. Et on peut aussi voyager, disons, on peut rentrer en contact avec la mémoire extra-individuelle, donc la mémoire planétaire, donc l'astral planétaire, donc la psychologie planétaire. Par contre, ce qui arrive, c'est que l'âme, c'est quoi? C'est simplement une enveloppe protectrice qui recouvre, disons, comme une sphère, ou comme ce pot-là ici, pour la caméra, comme ce pot-là ici, à l'intérieur de tout ça ici, il y a l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est l'identification cristallisée, densifié de l'astral, et ça, c'est individuellement chacun de nous. Bon, du type émotif. Alors ça, au milieu, on a l'ego. Autour, on a notre mémoire astrale, et l'enveloppe qui protège tout ça, c'est l'âme. Et cette enveloppe-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche notre mémoire, nos vibrations, de s'éparpiller partout au niveau de l'échelle planétaire, et elle empêche aussi nos mémoires de se mêler l'un l'autre. Alors, c'est qu'à un moment donné, ben moi, j'ai déjà été en avion. Ben oui, mais là, je mélange mémoire avec la mémoire d'un autre. Des choses, faut pas que je dise. Alors, ce qui arrive, c'est que l'âme, c'est l'enveloppe. Mais il vient un temps où c'est que l'âme doit disparaître. Pourquoi? Parce que l'esprit va prendre sa place. Et l'esprit prenant sa place va diriger les mémoires d'une façon absolument divine. Et quand dans la Bible, on dit que tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton âme et de tout ton esprit. Mais l'âme, c'est en deuxième plan, et l'âme, c'est pas ça qu'il faut déifier. L'âme est immortelle. Ça, c'est l'astral qui l'enseigne, parce que l'astral veut garder l'âme. Mais l'âme doit être démolie, et l'âme, à un moment donné, va être détruite, parce que l'esprit, donc, disons, l'esprit divin ou l'esprit supramental, va prendre sa place. Alors, l'âme peut mourir, mais l'âme doit mourir. Alors, sur ce... On termine la conférence de ce soir. Daniel, je te remercie beaucoup.